Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Et en ce début d'année 2014, nous allons débuter une série de vidéos sur l'Épître aux Philippiens. Plusieurs d'entre vous probablement ont pris le temps de lire cette Épître à plusieurs reprises déjà. Et mon désir, comme c'est le vôtre, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître notre Sauveur Jésus-Christ à travers cette épître. Souvent, on fait l'erreur de regarder la vie de Paul et essayer de vivre comme Paul. Mais ce n'est pas le but. Mon nom, ce n'est pas Paul, c'est François. Et Dieu n'a pas pour moi le même but dans la vie qu'avec Paul. Mais il veut la même chose de moi qu'il voulait de Paul, c'est de le glorifier, de le servir, de l'adorer, de le louer. Mais on ne peut pas faire cela sans le connaître. Et on va voir en s'en allant que l'apôtre Paul dit « Ma prière pour vous, c'est que votre connaissance augmente. » En pleine intelligence. Donc, c'est ce que nous allons faire en regardant cette épître, augmenter notre connaissance de la personne de Dieu, de la personne de Christ, de leur œuvre, de leur plan, de leur mission, de leur programme pour le monde. Et ceci va accomplir en nous, par la puissance de l'Esprit, ce que Dieu veut bien accomplir en nous. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour. Merci de ta grâce en Jésus-Christ. Merci de nous avoir laissé ce livre, qui est ta parole, afin qu'on puisse l'étudier, la regarder, la méditer, et ainsi te rencontrer, t'entendre nous parler. Ô, notre désir profond, c'est que tu te révèles à nous de plus en plus. Donc, guide-nous ce matin et dans toute cette série de vidéos, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Quand on prend un livre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je vais à la bibliothèque et je vais prendre un livre quelconque, habituellement, je tourne le livre et je vais à l'arrière du livre et je vais lire le résumé du livre et je vais lire l'auteur du livre. Qui il est? C'est un homme, c'est une femme, il est né quand, où est-il né, tout ce que je peux trouver sur l'auteur. Et des fois, à cette heure, on peut aller sur Google et avoir plus d'informations encore pour mieux comprendre le livre. Et c'est la même chose pour nous quand on étudie les Écritures. Donc, si on regarde un petit peu l'arrière-plan de l'Église de Philippe, nous retrouvons cela dans la Bible, dans les Actes des apôtres. Et on sait que c'est Paul, le fondateur de l'Église. On se souvient qu'à un moment donné, dans les Actes des apôtres, au chapitre 16, Paul a une vision pendant la nuit de Macédoniens qui lui demandent de venir leur annoncer le Seigneur. Et Paul va partir et il va aller en Macédoine et de là, il va se diriger sur la ville de Philippe. Et il va se diriger vers un lieu de prière et c'est là qu'il va faire la connaissance de Lydie qui va devenir la première à faire partie de l'église de Philippe. Elle se convertit et elle invite Paul chez elle Et c'est ainsi que l'église de Philippe commence, avec une femme et sa famille dans sa maison. Par la suite, on a le geôlier qui va se convertir parce que Paul va être en prison à cause de qu'il a condamné une femme qui avait un esprit de python et qui a chassé le mauvais esprit de elle. Et ses propriétaires, cet esclave-là, vont mener Paul à la prison. Et pendant que Paul est en prison, il y a un tremblement de terre et le geôlier vient et lui, il leur demande comment faire pour être sauvé. Et Paul va conduire cette famille, lui et sa famille, au Seigneur. Il va les baptiser, comme il avait fait avec Lydie, tout de suite là, la même nuit de leur conversion. Et une autre famille s'ajoute à l'Église. Et c'est comme ça que l'Église de Philippe commence, par des hommes et des femmes qui se convertissent au Seigneur dans cette province qui n'est pas une province juive, qui n'est pas en Israël, qui est dans une ville romaine, et c'est des gens qui vont venir d'ailleurs. Je dirais ailleurs par rapport à Israël. Ensuite de cela, l'apôtre Paul va être relâché et il va quitter Philippe. Dans le chapitre 20, on voit, dans les Actes des Apôtres, on voit que Paul visite l'Église à quelques reprises et il va fortifier l'Église. Il va approfondir l'Église dans sa connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Pendant ce même temps, à quelques reprises, il va envoyer des gens parler avec l'Église, enseigner l'Église, les aider à mieux comprendre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les aider aussi à faire face aux faux docteurs et à la fausse doctrine qui vont assaillir l'Église. Quand est-ce que Paul a écrit cette épître? On sait qu'il est en prison, il en parle, on va le voir en s'en allant. Il est en prison, probablement à Rome. Et de là, il a la visite d'Épaphrodite, quelqu'un qui vient de Philippe, qui lui emmène de la part de Philippe des dons, des argents, et des nouvelles, bien entendu, de l'église de Philippe. Paul va écrire cette lettre et va la renvoyer par Épaphrodite à l'église de Philippe. Ceci se passe dans les années 55 à 60, donc entre 25 et 30 ans après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que l'église peut avoir déjà une dizaine, une quinzaine d'années. Et Paul va leur écrire. Pourquoi va-t-il leur écrire? La raison de cette épître. Ce qu'on va voir ensemble, il semble qu'il y a une division qui est en train de se faire dans l'Église. À quelques reprises, quasiment dans tous les chapitres, il va mentionner cette difficulté qu'ils ont de s'entendre entre eux autres. Je crois qu'ils ont de la misère sur deux points, le côté doctrinal, et aussi ils ont de la difficulté par rapport à l'apôtre Paul. On va voir ensemble qu'il y a des gens dans l'Église qui vont discréditer Paul, mais quand tu discrédites Paul, automatiquement tu discrédites l'Évangile qu'il a emmené, celui qu'il représente. On va voir ce matin qu'il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Donc, quand tu rejettes le serviteur, tu discrédites le serviteur, tu discrédites celui qui a envoyé le serviteur. Donc, Paul va répondre à cela. Et l'apôtre Paul va parler aussi beaucoup de la joie qu'il a, lui. De la joie qu'il a, même pendant qu'il est en prison. Et c'est ce que nous allons regarder aussi pendant cette épître-là. Comment un homme en prison pouvait-il avoir de la joie? Mais on ne parle pas de n'importe quelle sorte de joie. Hein? On va parler d'une joie spéciale que lui-même, Paul, va appeler à un moment donné la joie de la foi. La joie qui vient de l'Évangile, la joie qui vient de Jésus-Christ, la joie qui vient de Dieu. Donc, si elle vient de Dieu, cette joie-là, elle est autonome, immuable, autant que sa source qui est Dieu. Donc, tu peux avoir cette joie-là en prison, au travail, à la maison, quand tu es jeune, quand tu es vieux, quand tu es un homme, quand tu es une femme, tu peux avoir cette joie-là parce qu'elle ne dépend pas des circonstances présentes dans lesquelles tu te trouves. Elle tire sa source de Dieu lui-même. Et lui est immuable. Et c'est pour ça qu'il va parler à plusieurs reprises, qu'il va dire qu'il lui-même est dans la joie et qu'il désire pour eux qu'ils soient aussi dans la joie qui vient de la foi. Nous allons lire les deux premiers versets ce matin, qui va être notre texte pour méditer quelques instants. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons, dans les premiers mots, l'auteur de l'épître qui est Paul. Je ne pense pas que Timothée était auteur aussi de l'épître. C'est Paul qui va parler. Mais il associe Timothée avec lui parce que Timothée connaît bien l'Église. Il a œuvré dans l'Église. Il a déjà été un enseignant, je crois, dans l'Église. Il a déjà été envoyé à Philippe par Paul. Donc, ils connaissent bien Timothée. Donc, il s'affilie à Timothée en écrivant cela, cette épître-là. Mais l'auteur, c'est Paul. Il ne faut pas oublier que Paul... Qui il est? C'est important qu'on le sache, parce que lui-même, dans le chapitre 3, va le mentionner. Il va décrire sa propre personne, parce qu'il est important que les gens à qui il s'adresse, qui sont juifs et non-juifs, qui sachent que lui comprend ce qui se passe, parce que lui est un juif, est un hébreu né d'hébreu, comme il va dire. Donc, Paul est un homme qui s'est converti au judaïsme, contrairement à Timothée, qui lui est né dans une famille chrétienne. Ça n'a pas fait de lui un chrétien, bien entendu, mais il est né dans une famille chrétienne, et c'est différent. Mais Paul va faire face aux faux docteurs qu'on va voir dans l'Épître, il sait comment ils pensent, il sait qu'est-ce qu'ils vivent, il comprend ce qu'il pense, jusqu'à un certain point, parce que lui-même est un juif, un hébreu, un pharisien commun. Paul, il faut se rappeler aussi qu'il a une autorité spéciale. Il a été choisi par Jésus-Christ lui-même, et ce qu'il a entendu lui-même dit, qu'il l'a reçu non pas des hommes, mais qu'il a reçu ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, de Jésus lui-même. On sait que Jésus, dans les Actes des Apôtres, lui a apparu à quelques reprises dans sa vie, il lui a transmis l'Évangile, la vérité qu'il devait proclamer vis-à-vis, en face à face. Très peu de gens peuvent dire cela. Mais Paul était privilégié dans ce sens-là. Il avait une autorité apostolique à cause de cela. Donc, c'est quelqu'un qui a vu Jésus, qui a parlé avec Jésus, qui a été instruit lui-même par Jésus, qui va parler à cette église que lui-même est le fondateur. Donc, il a une autorité très forte, à comparaison avec ces faux docteurs que lui-même va appeler des chiens. Il se présente comme étant, avec Timothée, comme étant serviteur de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est envoyé par Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'est pas le serviteur des hommes, il n'est pas le serviteur de l'Église, il est le serviteur de Jésus-Christ. Et il est envoyé par Jésus-Christ, Il est là pour proclamer la personne de Jésus-Christ. Il est là pour proclamer le message de Jésus-Christ. Donc, c'est son serviteur. Si on l'attaque lui, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'attaque celui qui a envoyé Jésus-Christ lui-même. Et Jésus a dit lui-même, si vous rejetez celui que je vous envoie, vous me rejetez moi et vous rejetez celui qui m'a envoyé, Dieu lui-même. Il écrit au saint de l'église de Philippe. Il est très important, quand vous lisez la Bible, est-ce que l'auteur que vous lisez s'adresse à des chrétiens ou s'adresse à des non-chrétiens? Exemple, dans les évangiles, Jésus s'adresse majoritairement à des foules de non-croyants. Il veut les aider à se convertir à l'évangile, il les invite en grande majorité à la repentance et à la foi en sa personne et à l'évangile de Dieu. Dans les épîtres, c'est exclusivement adressé aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit ici, aux saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ces personnes qui ont été mises à part par Dieu, qui ont été sanctifiées par Dieu, qui ont été purifiées par Dieu, qui ont été pardonnées par Dieu, qui font partie du peuple de Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est marqué en Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui, nous sommes un en lui, et nous faisons partie du peuple de Dieu. C'est à eux que cette épître-là est adressée. On ne comprend pas, on a de la misère à saisir, qu'est-ce que Paul dit quand on n'est pas un chrétien. Pour comprendre ce qu'il va dire, pour saisir ce qu'il va dire, il faut être chrétien. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas chrétiens, des fois vont lire l'épître aux Philippiens, et ils vont en tirer un message qui n'est pas de Dieu. Ils vont l'appliquer d'une mauvaise façon et ils ne vont pas comprendre le message que Dieu a pour son peuple. Si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, tu vas avoir belle misère à comprendre le message que Dieu adresse à son peuple. Ici, à travers l'apôtre Paul. Pourquoi mentionne-t-il les évêques et les diacres? C'est parce que je crois qu'il a quelque chose à leur dire de façon très spécifique à eux. Et je crois que parmi eux, parmi les évêques et les diacres, il y a des gens qui ont des difficultés avec l'apôtre Paul. On va voir ça en s'en allant. Et il dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et de Jésus-Christ. Donc Paul, ce qu'il veut, c'est grâce et paix à l'Église. Et Paul sait que la grâce et la paix, en Dieu ou par Dieu, en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ, vient par la connaissance, vient par une doctrine saine. Plus ma doctrine est saine, plus mon adoration et ma louange et mon service vont plaire et être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse, de la part de Dieu, Je connais tes œuvres, Église, mais ta doctrine est toute croche. Et à cause de cela, ça ne va pas dans l'Église. Donc, il est important pour l'Église d'avoir une doctrine saine, bien avant que d'avoir une morale saine. On peut avoir une belle petite vie bien réglée, bien tranquille, religieux, moi j'appelle, mais tout de même, la doctrine est tout croche et l'Église est en perdition. Donc, nous allons regarder ça ensemble dans les jours, les semaines et peut-être dans les mois qui viennent. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta paix que tu nous accordes en toi. Toi qui es source de paix, toi qui es source de grâce, et on va voir ensemble aussi, toi qui es source de joie. Toi qui es notre raison d'être. Toi qui es notre vie. Comme l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons servir et louer. Au nom de Jésus, Amen.